Allez. Et tais-toi. Quoi, Robert? Tu vas réveiller toute la maison. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais pas longtemps avoir leur sale tronche, moi, à respirer leurs odeurs. Je vais les laisser au garde à vous, ces cons, mais... La concierge, hein. Pour elle, la concierge. Allez, viens.